l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngumbi. Dans plusieurs récits bibliques, les Africains sont cités comme des personnes ayant joué un rôle important dans l'accomplissement du plan divin. La fois dernière, nous avons étudié deux personnages cités dans le Nouveau Testament. Il s'agissait de l'eunuque éthiopien et d'Apollos. Aujourd'hui, nous allons étudier d'autres personnages africains dans le Nouveau Testament. Nous parlerons de Simon de Cyrène, les missionnaires cyréniens, Lucius de Cyrène et Niger. Commençons d'abord par Simon de Cyrène. Lisons quelques passages dans le Nouveau Testament qui citent ces personnages. Le premier passage, c'est Marc chapitre 15, verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Luc 23, verset 26 dit : Comme ils les menaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Ces passages nous révèlent quatre vérités essentielles sur cet homme, Simon de Cyrène. Premièrement, il était habitant de Cyrène, qui était une ville de l'Afrique du Nord, l'actuelle Libye. Le mot grec utilisé, Kyrenaios, peut être traduit par Cyrénien ou habitant de Cyrène. Le fait qu'il ait habité Cyrène suppose qu'il était africain ou un juif résident en Afrique. Mais certains estiment qu'il fut un Africain. Deuxième vérité, Simon de Cyrène revenait des champs. Ceci suppose qu'il fut un cultivateur. Il était habitué à porter des lourds fardeaux et de s'adonner aux travaux champêtres. Troisième vérité, Simon de Cyrène fut forcé à porter la croix de Jésus. L'on peut se poser la question de savoir pourquoi celui que les soldats choisirent pour porter la croix de Jésus. Et pourquoi l'ont-ils forcé? Le texte ne dit rien. Mais ce qui est certain, c'est le fait qu'ils ont constaté que Jésus était fatigué et affaibli par les coups des soldats et qu'il ne pouvait plus supporter de porter cette croix lourde. Avant de porter la croix, il fut battu des verges sur l'ordre de Pilate, selon Luc 23, 22. Toutefois, nous devons reconnaître que le nom Simon de Cyrène est entré dans l'histoire, car un Africain a aidé Jésus à porter sa croix. Quatrième vérité, Simon de Cyrène était le père d'un certain Alexandre et d'un certain Rufus. Après Simon de Cyrène, nous voulons étudier les missionnaires de Cyrène. La Bible parle de quelques hommes de Cyrène. Lisons dans Actes chapitre 11, versets 19 à 22. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Ce passage nous permet de tirer quatre vérités essentielles sur ces hommes de Cyrène. Première vérité, les hommes de Cyrène faisaient partie de ceux qui avaient été dispersés par la persécution d'Étienne. Ils étaient donc membres de l'église de Jérusalem qui a été fondée le jour de la Pentecôte. À titre de rappel, Actes chapitre 2 cite parmi les gens qui qui ont reçu l'effusion du Saint-Esprit, il y avait aussi les gens venus de Cyrène, les Africains, étaient le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux. La deuxième vérité sur ce passage, c'est que les Cyrénéens ou les habitants de Cyrène faisaient partie des premiers missionnaires qui allèrent évangéliser la Phénicie. C'est le Liban actuel, l'île de Chypre et Antioche. Antioche, c'est dans l'actuelle Turquie. Pour la première fois, l'évangile est annoncé au-delà de la Judée et de la Samarie. Rappelons le plan donné par Jésus dans Actes 1:8. Il disait à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ici, le texte dit que ce sont les chrétiens qui ont fui la persécution, au nombre desquels étaient les Cyrénéens ou les habitants de Cyrène, qui allèrent évangéliser la Phénicie. Ça dépasse la Judée, ça dépasse la Samarie. Ça fait déjà partie des extrémités de la terre. La troisième vérité, c'est que les gens de Cyrène font partie de ceux qui ont évangélisé les Grecs dans la ville d'Antioche. Remarquez que jusque-là, à part le cas isolé de Pierre, qui alla évangéliser Corneille, qui était non-juif, et qui fut d'ailleurs critiqué par les autres juifs, l'action de l'Église était orientée seulement vers les juifs. Mais c'est à Antioche où nous voyons le groupe de missionnaires cyrénéens se tourner vers les Grecs pour leur parler de Jésus. Dans Acte 8, c'est un Africain, l'eunuque éthiopien, qui est évangélisé. Mais ici, dans Acte 11, ce sont des Africains qui font partie des premiers missionnaires et qui ont évangélisé la ville d'Antioche. Quatrième vérité, le ministère de ce premier missionnaire, au nombre duquel étaient les Cyrénéens, avait un grand impact dans la vie d'Antioche, à telle enseigne qu'un grand nombre de personnes se convertirent à Jésus-Christ. Lorsque les apôtres apprirent cela à Jérusalem, ils envoyèrent Barnabas à Antioche. Nous savons combien par la suite l'église d'Antioche sera un modèle d'une église missionnaire. Cette église est née comme résultat de l'action missionnaire d'un groupe de chrétiens au nombre duquel il y avait des Africains, des habitants de Cyrène. Après ces missionnaires cyrénéens, parlons maintenant d'un autre habitant de Cyrène, c'est Lucius de Cyrène. Cet homme est mentionné dans Actes chapitre 13, versets 1 à 3. Lisons ce passage. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétraque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Lucius était originaire de Cyrène. C'est pourquoi on l'appelle Lucius de Cyrène. Et il est cité parmi les prophètes et les docteurs de l'église d'Antioche. Nous pouvons confirmer que les Cyrénéens étaient des chrétiens zélés dans la foi. Nous l'avons vu précédemment que ce sont eux qui vinrent évangéliser la ville d'Antioche. Si Lucius de Cyrène faisait partie des docteurs, des prophètes, ceci suppose qu'il était très avancé dans la foi. Parmi les responsables de l'église d'Antioche, il y avait Lucius de Cyrène. Il n'y a pas que Lucius de Cyrène qui est cité dans Actes 13. Il y a également un autre Africain, c'est Siméon appelé Niger. Toujours Actes 13, il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger. Le nom Niger est le mot latin pour désigner noir. Siméon est une forme hébraïque du nom Simon. Mais même si Siméon était juif avant de devenir chrétien, cela ne veut pas forcément dire qu'il n'était pas d'origine africaine, comme nous l'avons déjà vu pour les dignitaires éthiopiens. Certains dictionnaires bibliques disent que Siméon était surnommé Niger le Noir. L'on peut supposer qu'il fut des races africaines. Vu le fait que l'église d'Antioche fut fondée par quelques hommes de Chypre et de Cyrène, il est donc intéressant de noter que les trois premiers responsables mentionnés dans Actes 13:1 sont Barnabas, qui était originaire de Chypre, Siméon appelé Niger, qui était probablement africain, parce que son nom signifiait les Noirs, et Lucius de Cyrène, bien que Barnabas ne fût pas parmi les fondateurs de l'église d'Antioche. Il arriva très tôt sur la scène et assuma une fonction dirigeante. Selon Actes 11, 22 à 26. Et nous savons que Barnabas influença directement la vie de l'apôtre Paul. Mais le contexte de ce passage nous fait croire que deux hommes d'Afrique, Siméon et Lucius, influencèrent aussi pour le bien la vie du plus grand missionnaire chrétien du Nouveau Testament, à savoir l'apôtre Paul. Lucius de Cyrène et Niger faisaient partie de ceux qui ont reconnu l'appel missionnaire et apostolique de Barnabas et de Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Acte 13, verset 2 dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et le verset 3 ajoute « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Que pouvons-nous retenir de notre leçon d'aujourd'hui? Nous venons d'étudier quatre personnages africains cités dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est Simon de Cyrène. Cet homme dont le nom est rentré dans l'histoire, ce fut lui qui aida Jésus à porter sa croix. Nous avons parlé également de quelques hommes de Cyrène qui faisaient partie de ceux qui ont fui la persécution survenue après les martyrs d'Étienne. Il faisait partie de la délégation missionnaire qui allait évangéliser la Phénicie, l'île de Chypre et surtout la ville d'Antioche. Nous venons de parler également de Lucius de Cyrène et de Niger qui faisaient partie du groupe de docteurs et de prophètes qui dirigeaient l'église d'Antioche. Il faisait partie de ceux qui ont prié pour laisser partir Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit les a appelés. C'est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'était À l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.